boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. De pulp et autres oasis mécréants de la scène britannique pré-21e siècle. Blair pour une première triplette dans notre 101e pop and rock sur RVR. Et qui dit triplette dit trois titres enchaînés. Après l'étourdissant, le mirifique, l'enivrant Song 2, on fonce à tambour ouvert vers Charmless Man suivi de Girls and Boys. Blair. To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cray, but then nature didn't make him that way. Thank you. Anglaise qui refusait la lame de fond grunge venue des States dans les années 90. Des post-punk aux dandys parfumés de Novocaine et autres stimulants, les Strokes qu'on retrouve à présent auraient pu se faire une belle place s'ils ne venaient pas du mauvais côté de l'Atlantique. Pas grave, on se fait les Strokes avec un morceau qui s'appelle Blocking Bridge to Chorus. And yeah. Les Strokes, qu'est-ce que c'est bon? Allez, on va se refaire quand même un petit morceau d'un groupe issu de la mouvance des Britpop. On écoute The Verve avec un morceau qui s'appelle Lucky Man. Écarts musicaux, comme on aime passer des morceaux oldies but goldies reprises des titres de groupes quasi inconnus, on fonce à présent sur le nouvel album d'un groupe que je découvre ce soir avec vous, et pour se faire une belle idée, nous allons les accompagner avec deux titres. Le groupe c'est Drive By Truckers, et les deux morceaux, pour le premier c'est The New Hockey, et le second c'est Surrender Under Protest. On écoute donc Drive By Truckers. Fragile minds of angry youth. sooner was it over than the memory made it nobler. A selective means by which to point the view. Tradition was the mission, and that the wrongness of the sin was not the goal. Deuxième nouveauté du soir dans Pop and Rock, c'est avec un groupe que vous connaissez sûrement, les Smashing Pumpkins, les merveilleuses citrouilles qui semblent se réduire de plus en plus au seul Billy Corgan. Il essaie de surnager avec son dernier album, duquel j'ai extrait deux titres, In Ashes, Anno Santano, suivi de Witch. Ensuite, on se retrouve pour un petit plaisir évanescent. Never mean. le morceau qui arrive, vous le connaissez, par contre, saurez-vous reconnaître le groupe qui l'interprète? I am the only chick of today in all the bands. Thank you. Come on, girls, let's get more of us up here, seriously! Just like avec la voix de Emily et l'énergie de Ben Moody. Mais bon, vous préférez peut-être l'original, on écoute donc Zero en live avec les Smashing Pumpkins. And cleanliness is godliness, and God is empty, just like that. I never let out. À l'instant, c'était notre piqûre de rappel, notre punk hebdomadaire, notre dose de pur plaisir. Les gars d'Atlanta de Manchester Orchestra, les Barbus, nous proposaient leur morceau The Moth, qui précède donc la dernière nouveauté dans notre pop and rock sur RVR, Tinia. Je ne connais pas encore beaucoup ce groupe, mais les deux titres qui arrivent me donnent envie de creuser. Tinia avec tout de suite Deep, suivi de Rosalina. Tinia dans pop and rock. Face. reparlera dans Power Rock, c'est quasi certain. Mais en attendant, retour à nos classiques, pas encore oldies but goldies, mais presque estampillés pop and rock. On rejoint les Guided by Voices, le groupe prolifique de Robert Pollard, qui me semble a réussi l'exploit de faire un concert de plus de 10 heures. Mais ce soir, on va se contenter des quelques minutes du titre Man Called Blunder. Une nouvelle heure avec ce pop and rock, j'espère que la programmation vous a plu. Pour la petite histoire, pendant mes interventions, vous avez peut-être perçu John Metal Gray, issu du dernier album instrumental de The Buddha's Band, à écouter absolument. Pour ce soir, on va se quitter avec Interpol, et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous.